et parle-moi de ton chagrin. Est-il rapide ou un peu long? Parle-moi de ces culottes, ces slips géants. Parle-moi de ta musique populaire et pourtant les synthés sont aphasiques, rien que du méchant. J'ai raccourci un peu le nom, ça donne Pedro PUNK, et c'est moins long. Ça y est, le concept est clos, j'espère que ça va marcher. Tu prendras un superbus pour tes tournées. Parle-moi de tes culottes, tes slips géants.